La peste de Wisborg. On lit dans la Gazette de Wisborg le 4 juin 1838 « Il s'est passé hier dans notre port un fait invraisemblable. Un navire y est arrivé sans équipage, sans capitaine, sans pilote. Il était 10 heures du matin quand la vigie signala le navire Otto Friedrichs qui arrivait dans notre ville avec 3 jours de retard. Des bruits couraient au sujet de la traversée qu'il avait faite. On disait qu'il s'était arrêté dans plusieurs ports du fleuve et que le docteur avait été prié de se rendre à bord pour y constater le décès de plusieurs matelots. Le navire s'avançait très normalement et rien de singulier n'y apparaissait. La vigie pourtant s'étonna de ne pas voir sur le pont comme d'habitude des hommes d'équipage courir çà et là. Le navire aborda dans le bassin où il a l'habitude de mouiller. Il y eut bien quelques hésitations dans son abordage, mais enfin, grâce au personnel du port, il vint à quai. On se précipita sur le pont, on n'y vit personne. On ne trouva, à quelque distance de la barre, que le capitaine qui semblait mort et que l'on transporta immédiatement à l'hôpital. En visitant le bateau, on découvrit un cadavre, celui du second, et ce fut tout. On a déchargé le navire, on n'y a rien vu de suspect. La seule chose qui mérite d'être relevée, c'est la quantité extraordinaire de rats qui se trouvaient dans la cale. D'autres sortaient de longues caisses de bois blanc remplies de terre qui sont expédiées ici à l'adresse d'un certain comte Orlok, qui viendrait, paraît-il, habiter la maison ruine qui se trouve au bout de la ville, en face de la propriété de notre concitoyen Jean Uther. Pendant toute la matinée, les marins et les enfants se sont livrés à une véritable chasse aux rats qui a permis de mettre au tableau 225 de ces rongeurs. Nous avons été demandés au directeur de l'école de navigation de Wisborg, le professeur George Walter, son opinion sur la bizarre traversée de l'Otto Friedrichs. Il faudrait, nous dit-il, que j'eusse entre les mains le livre de bord pour savoir exactement ce qui s'est passé. D'autre part, je ne comprends pas comment un bateau peut se diriger tout seul, même sur un fleuve. Il y a là peut-être une farce sur laquelle je ne saurais me prononcer sérieusement. Dans le même numéro de la Gazette de Wisborg, on signalait de la prison que M. Knock avait pendant toute la journée du 2 et pendant toute la matinée du 3, donnait les signes d'une exaltation si particulière qu'on avait été obligé de lui mettre la camisole de force. « Le maître est là » criait-il. « Le maître est là !» Il voulait sortir pour voir le maître, et il a failli y réussir. Il a trompé la surveillance de ses gardiens, et il était parvenu à la porte de la prison, où heureusement le corps de la garde a pu intervenir et le remettre entre les mains de ses surveillants. On l'a installé dans une cellule. Ce fou n'est plus dangereux. Enfin, d'après les notes de Jean Uther, jamais sa femme ne passa une plus mauvaise nuit que celle du 2 au 3 juin. Elle donna, dès le crépuscule, les marques d'une fébrilité excessive. Elle allait et venait dans le jardin, dans sa demeure, poussant des cris, hurlant « Le voilà! Le voilà !» Et c'est en vain que sa sœur, son beau-frère et son mari essayaient de la calmer. Elle, qui d'habitude se refusait à mettre les pieds hors de sa propriété, demandait qu'on voulût bien la conduire en ville et réclamait de passer la nuit sur le port. En vain lui objecta-t-on qu'il n'y avait aucune raison pour qu'on lui permît cette fantaisie. Elle s'obstinait à affirmer qu'elle mourrait si on ne lui passait pas ce caprice, car, disait-elle, elle attendait l'arrivée d'un personnage considérable, qu'il serait impoli de sa part de ne pas le recevoir avec tous les honneurs dus à sa haute dignité. Combien on pense, on jugea que cet accès de neurasthénie aiguë nécessitait qu'on la couchât, se confie. Mais au milieu de la nuit, elle poussa des cris stridents. Elle déclara que sur son lit, l'homme noir de ses songes habituels était assis et ne voulait pas partir. Elle se jeta sur ce fantôme et tomba si malheureusement qu'elle se fit une blessure au front. Cela n'apaisa pas son exaltation. 3 personnes la tenaient. Elle donnait du poing à droite et à gauche. Bref, on crut qu'on serait dans la nécessité de la transporter dans une maison d'aliénés. Fort heureusement, dans la matinée, elle se calma. « Il est là, » dit-elle. « Il m'a pardonné. Il viendra me voir. » Et depuis ce moment-là, elle se montra d'une parfaite douceur et d'une exquise courtoisie avec tout le monde.